Troisième partie. Madame Gaston n'est pas Madame Hébert. Votre mari s'appelle Henri, n'est-ce pas? Non, il s'appelle Charles. Il est ingénieur, n'est-ce pas? Non, il est professeur de français. Vous êtes mariés depuis un an, n'est-ce pas? Non, nous sommes mariés depuis longtemps. Oh, je me trompe. Mais vous êtes Madame Hébert, n'est-ce pas? Non, madame. Je m'appelle Madame Gaston.